Chapitre 15. Madame Nelly avait pris place devant sa table. « Puisque vous êtes là, dit-elle, il faut que je vous consulte. Je suis certaine que vous pouvez me donner un bon conseil. Peut-être même aurez-vous quelques idées originales. Vous êtes un homme de goût et j'ai pleine confiance en votre jugement. Vous savez voir. Je suis heureux de me mettre à votre disposition. L'affaire a son importance. » « Voici ce dont il s'agit. » Elle prit son livre et se mit à lire. Hermance était en beauté, et comme si ses grâces naturelles n'avaient pas suffi pour éblouir, elle y avait joint les séductions d'une ravissante toilette. Figurez-vous un costume de poule de soie noire, garni de volants, de biais de velours rubis et de dentelles noires. Le corsage est à revers avec gilet de satin rubis, les manches sont à revers de velours et les basques de velours rubis font postillon derrière. Elle poussa son volume devant elle et, regardant d'un air triomphant Adolphe stupéfait, « Que pensez-vous de cela ? » dit-elle. Ainsi interpellé, il devait répondre, mais précisément c'était le difficile. « J'avoue que je ne connais rien à la toilette, » dit-il enfin. « Au contraire, vous vous y connaissez. » « Je me souviens de vous avoir entendu faire autrefois des observations très fortes à ce sujet. »« En tout cas, comme je ne me figure pas la toilette dont vous m'avez lu la description, je ne peux pas la juger. »« Vous ne vous la figurez pas ?»« La description est cependant admirable, comme tout ce qu'écrit l'auteur. »« Au reste, je vous donnerai Hermance, vous verrez. »« C'est le genre que j'aime. »« Par malheur, il n'est plus pratiqué que par quelques esprits délicats. » Maintenant, on veut nous montrer la vie humaine telle qu'elle est. Beau sujet d'étude pour un auteur et beau spectacle pour le lecteur. Moi, j'aime un auteur qui, pour écrire, s'enferme dans un kiosque dont les fenêtres sont en verre rose et qui répand sur tout ce qu'il nous montre cette nuance délicieuse. Quand dans son livre se trouvent quelques descriptions de toilettes, telles que celles que je viens de vous lire, c'est parfait. Je veux aussi qu'on se marie à la fin et que tout le monde soit heureux. « Je vais vous relire la description, n'est-ce pas ? Je vous assure que je ne saurais me prononcer. Je ne veux pas insister, mais je le regrette. J'aurais voulu avoir votre sentiment. Car ces choses-là sont bien plus affaires de sentiment que d'art. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Juliette. Ah, c'est pour Mademoiselle Juliette. Sans doute, c'est toujours pour elle que je cherche des modèles nouveaux qui aient de l'originalité. Que me faut-il pour moi ? Un rien. » Sans doute, je ne veux pas faire peur, mais, à mon âge, une étoffe simple, coupée à la mode, avec quelques dentelles, pour ne pas ressembler à une ouvrière, et des rubans pour rigailler. Je n'en veux pas plus. Mais pour Juliette, c'est différent. Jeune et belle comme elle l'est, la toilette lui est indispensable. Elle n'y est pas très sensible, il me semble. Dites qu'elle y est absolument indifférente. Je ne peux pas l'obliger à s'habiller. Elle dit qu'elle a autre chose à faire. La première robe venue lui est bonne, pourvu qu'elle soit simple. Si elle n'avait pas ses cheveux qu'elle soigne, elle ne donnerait pas plus de temps qu'un homme à sa toilette. Je lui fais des observations. Je lui représente que la toilette est la grande affaire des femmes, que c'est le moyen de plaire à un mari et de le retenir. Elle n'en fait qu'à sa tête. Il est vrai qu'elle ne me répond pas, mais elle ne m'écoute pas. Et moi, pendant ce temps-là, je m'ingénie, je cherche... Je me creuse la cervelle pour inventer quelque chose qui la décide. Croiriez-vous que je passe quelquefois une partie de la nuit devant cette table à travailler pour elle ? Voilà notre rôle à nous autres mères. Au reste, je n'ai pas besoin de vous parler de cela. Vous avez une mère qui vous permet de voir ce que font les autres. Seulement, votre mère a des satisfactions que je n'ai pas. Quand elle travaille pour vous, elle sait que vous l'en récompensez. Tandis que moi, je ne sais même pas si mon travail sera accueilli. Voilà pourquoi tout à l'heure je tenais tant à voir votre avis. J'aurais dit à Juliette que vous trouviez cette robe délicieuse, car vous l'auriez trouvée délicieuse, et comme elle a confiance en votre goût, elle l'eût acceptée. Je la vois avec, le postillon surtout. Combien je regrette que vous ne vous le figuriez pas. Délicieux, mon cher enfant, délicieux. Un étranger, en entendant Madame Nélis parler ainsi, eût été ému peut-être par cette sollicitude maternelle. Une mère qui s'occupe de sa fille, qui la veut belle, qui passe les nuits pour disposer ses toilettes, quoi de plus touchant. Mais Adolphe connaissait la véritable situation de cet intérieur. Il savait que cette mère, qui rêvait biais de velours rubis et gilet de satin, ne vivait que du travail de sa fille, que le paiement du loyer était une affaire capitale, qui souvent empêchait Juliette de dormir 15 jours à l'avance. Enfin, qu'on n'arrivait à manger tous les jours que par les miracles d'économie d'une vieille servante qui, chaque matin, allait de la rue de Dunkerque à la halle chercher les maigres provisions du ménage, épargner quelques sous sur leur achat. Aussi ne se laissait-elle pas aller à l'attendrissement qu'un étranger eût pu ressentir. Son admiration n'était pas pour la mère, qui voulait des toilettes brillantes, mais pour la fille qui les refusait et ne se laissait pas entraîner par la tentation du luxe et de l'éclat. C'était une qualité de plus qu'il reconnaissait à Juliette. Quelle droiture d'esprit, quelle solidité de bon sens ne lui avait-il pas fallu pour résister aux leçons et aux exemples de sa mère ? Cela était d'autant plus remarquable que cette mère, lorsque on avait fait la part de ses travers, était la meilleure femme du monde, et que par sa bonté elle avait pris une grande influence sur le cœur de sa fille. Quand Juliette n'était qu'une petite fille, continua Madame Nélis, cette négligence dans la toilette était tolérable. Mais maintenant elle est d'âge à penser à l'avenir, et cela devient sérieux. Sans être coquette, il est permis de plaire, n'est-ce pas ? Assurément. C'est ce que je dis tous les jours à ma fille. Ne fais rien pour attirer les prétendants, mais quand ils se présentent, ne fais rien pour les repousser. Adolphe avait jusqu'à ce moment subi cette conversation avec fatigue, répondant au juste ce qu'il fallait pour n'être pas impoli. Ce mot le rendit attentif et jusqu'à un certain point inquiet. Des prétendants ? Et pourquoi pas ? Pourquoi n'y aurait-il pas des gens voulant l'épouser ? Quels étaient-ils ? L'absence de Juliette lui permettait de faire parler Madame Nélis, et il ne devait pas être bien difficile de tirer d'elle la vérité. « Pensez-vous donc à marier Mademoiselle Juliette ? » dit-il. « J'y ai toujours pensé. C'est mon devoir de mère, et je ne suis pas femme à manquer à mes devoirs. Le mariage n'est-il pas le but que doit poursuivre une jeune fille ? N'est-ce pas seulement par le mariage qu'elle peut assurer sa vie ? Mademoiselle Juliette n'est pas dans les mêmes conditions que toutes les jeunes filles. Elle n'a pas besoin d'un mari pour assurer sa vie ou se faire une place dans le monde. Cette place, elle peut se la faire elle-même, belle et glorieuse. Ce qui vaut mieux, il me semble, que de la devoir à un mari. Vous pensez bien que ce n'est pas moi qui vais rabaisser le talent de ma fille. Je connais ce talent mieux que personne, et je le vois grandir tous les jours. Comme vous dites très bien, il doit lui conquérir une place glorieuse. Et cela arrivera, j'en suis certaine, dans un délai prochain. Mais les femmes sont-elles faites pour la gloire ? Et d'un autre côté, sont-elles faites pour travailler ? À ces deux questions, je pense que les gens sensés doivent répondre négativement. Pour la femme, il y a quelque chose au-dessus de la gloire. C'est la famille, c'est un intérieur, c'est le bonheur. Quant au travail, je trouve que c'est la tâche exclusive des hommes. Les femmes doivent plaire et briller. Voilà mes opinions. Et comme je suis logique, je reproche à ma fille de vouloir trop travailler et de ne vouloir pas assez briller. Où le travail peut-il la conduire ? À être indépendante, maîtresse d'elle-même et de sa vie. Tout cela, c'est des mots. Le travail nous conduit tout simplement à la peine. Si, comme moi, vous voyez ma pauvre fille debout devant son chevalet pendant toute la journée, vous sauriez ce que c'est que le travail. Et si vous la voyez le soir cherchant ses compositions, recommençant 20 fois la même chose, se donnant la fièvre, vous le sauriez encore mieux. On dit que les artistes sont des paresseux. Ce sont au contraire des galériens. Voilà pourquoi je serai heureuse quand je verrai ma fille renoncer au travail. Et puis la question de la peine mise de côté, il y en a une autre. Peindre pour son plaisir, pour offrir un tableau à ses amis ou à une bande de bienfaisance, c'est charmant. Mais faire des tableaux pour les vendre, c'est quelque chose de bas qui humilie. Juliette a si bien conscience de cela que nous ne parlons jamais de questions d'argent ensemble. De l'argent gagné par ma fille, c'est affreux. » Adolphe avait bien des choses à répondre, mais il ne lui convenait pas d'engager une discussion avec Madame Nélis, et il avait d'autres soucis en tête. Ces idées qui pouvaient avoir une influence décisive sur Juliette avaient-elles produit des résultats menaçants pour le moment ? C'était là ce qu'il voulait savoir. L'avenir, il y avait des moyens pour empêcher qu'il devînt ce que Madame Nélis désirait. Mais avant de s'occuper de l'avenir, il fallait penser au présent. Et quel accueil, mademoiselle Juliette, fait-elle à vos projets ? Dit-il. Elle les repousse. Elle a une passion malheureuse pour la peinture. Et quand je lui parle de quelqu'un, ou elle ne me répond pas, ou elle plaisante. C'est ce qui nous a fait manquer plusieurs mariages jusqu'à ce jour. Heureusement, il s'en présente un maintenant qui, je l'espère, pourra se faire. C'est encore un secret. Mais vous êtes notre ami et je sais que je peux m'ouvrir à vous sans craindre une indiscrétion. C'est un Portugais, un comte. Belle position, fortune immense, grand nom, tout se trouve réuni. De plus, un homme charmant. 40 ans, il est vrai, mais ce n'est pas un âge ridicule, et puis il est si jeune de cœur et d'esprit qu'on ne pense pas à son âge quand on l'entend parler. Des manières délicieuses, une politesse exquise. Jamais je n'ai vu un homme si poli, et je sais ce que c'est que la politesse. Il est rempli d'égards pour moi, d'attention, de prévenance. Adolphe avait voulu savoir, il savait maintenant. Elle restait émue, frémissant. « Ce sera un mariage magnifique, » continua Madame Nélis, « et plus beau même que nous n'aurions été en droit de l'espérer dans notre ancienne position. M. Nélis aurait voulu un homme dans les affaires, un financier, un industriel. Et c'est un homme de noblesse qui se présente, séduit non par la fortune de ma fille, mais par sa beauté. Voilà bien qu'il prouve qu'il ne faut jamais désespérer. J'ai toujours eu le bonheur de chercher le beau côté des choses, et quand une catastrophe m'a frappé, je ne me suis pas abandonné. C'est peut-être pour notre bien dans l'avenir, me disais-je. Et souvent, l'avenir m'a donné raison, comme dans cette circonstance, par exemple. Il y a des personnes qui croient que je me laisse bercer par des chimères, comme votre chère maman, pour n'en citer qu'une. Je les laisse dire. Je sais très bien que la Providence ne m'abandonnera pas, et qu'elle me donnera le bonheur un jour ou l'autre, tôt ou tard. Ce jour est arrivé, je m'en réjouis, je ne m'en étonne pas. J'aurais attendu sans me plaindre. Ce mariage est décidé, dit-il d'une voix que l'émotion voilait. Pas du tout, il n'y a pas encore eu un mot positif d'échanger. Mais c'est comme s'il était fait. Le comte est fou de Juliette et ma fille ne sera pas assez aveugle pour le repousser. À ce moment, un coup de sonnette retentit. « C'est Juliette, » dit Madame Nélis, se levant pour aller ouvrir.